cours numéro 30. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل أنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من شرب منه شربة لم يظم بعدها أبدا. وكونتينيو دليق ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر من هذه العقيدة الطيبة الواسطية. Et on arrivait au Hawd. Et après avoir cité rahmatullah alayhi ma yata'allaq bil hisab wal mizan wa nashr al dawawin, toutes les étapes qu'on a vues dans le dars précédent, walillahil hamd. Aujourd'hui, on commence par ما يتعلق بالحوض. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والحوض في الأصل مجمع الماء والمراد به هنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الحوض يترجم par le bassin. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يلقى حوض. قال ابن تيمية رحمه الله وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparé هذا الحوض, il a créé هذا الحوض pour le prophète Muhammad alayhi salat wa salam. Et sa umma, ils passeront à côté de ce حوض et ils boiront. Et Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, il a cité des points importants concernant le حوض. Avant de les lire, awalan, on cite quelques preuves de la sunna ala hadha al-hawd. فمن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. أي النبي صلى الله عليه وسلم ça sera le premier à passer par ce hawd. Et ce hadith il est vu au Sahihain. Et comme قال الإمام ابن أبي العز رحمة الله عليه هذه الأحاديث concernant الحوض تبلغ حد التواتر. Beaucoup de hadith, beaucoup de compagnons, un peu plus de 30, ils ont rapporté des hadith sur الحوض. C'est pour ça que أهل السنة يؤمنون بهذا الحوض. لماذا؟ لأن il y a des preuves claires في الصحيحين وفي غيرهما. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر زواياه سواء وماءه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك إلى آخره. Donc ça, ça montre أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى حوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي أي مو حوض مو بس إلا ذكري عليه الصلاة والسلام. أي beaucoup de أدلة في هذا الباب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال والكلام على الحوض من عدة وجوه. أي plusieurs points concernant الحوض. قال رحمه الله أولا هذا الحوض موجود الآن لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن. الحديث اللي في الصحيحين عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه كما في حاشية شرح شيخ ابن عثيمين رحمه الله. أولا هذا الحوض il existe aujourd'hui à notre époque. À l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام il existait déjà. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني والله لا أنظر إلى حوضي. النبي صلى الله عليه وسلم il a juré qu'il voyait son حوض. Donc من عقيدة أهل السنة أن هذا الحوض il était présent à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام et il sera présent jusqu'à يوم القيامة. قال وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومنبري على حوضي إلى آخره. قال ثانيا هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر وهو النهر العظيم. قال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر. الله سبحانه وتعالى إلى دوني الكوثر أو بروفيت عليه الصلاة والسلام. فهنا on a deux choses que Allah سبحانه وتعالى إلى دوني على son prophète عليه الصلاة والسلام, الحوض والكوثر. أما الحوض سيوم القيامة, ça sera le jour du jugement et avant de rentrer au paradis. والكوثر c'est dans le paradis. الحوض c'est un bassin, الكوثر c'est un fleuve que النبي صلى الله عليه وسلم, الله سبحانه وتعالى إلى دوني au prophète عليه الصلاة والسلام. فقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو النهر العظيم أي الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ينزلان إلى هذا الحوض. دونك الكوثر سي لا سورس دو حوض. لو دو كوثر elle est versée dans le حوض. الكوثر il est في الجنة, il est au paradis et الحوض il sera le jour du jugement. Donc c'est bien deux choses différentes, lakin al-kawthar c'est la source. C'est la source et cette eau elle est versée dans al-hawd. Falihada thabata 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna kama dhakara Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa sayati ma'ana anna ceux qui boiront de hada al-hawd ils auront plus jamais soif. Thalithan zaman al-hawd ay quand est-ce que les croyants y passeront par ce haut? On sait qu'il est créé aujourd'hui, il était créé à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam. Waqiya az-zaman. Zaman al-hawd qabl al-ubur 'ala as-sirat. Li'anna al-maqam yaqtadi dhalik. Haythu inna an-nas fi hajatin ila ash-shurb fi 'arasat al-qiyamah qabl 'ubur as-sirat. Al-'ulama ikhtalafu. Est-ce que c'est avant الصراط أم لا؟ الصحيح سكس أفن الصراط. لماذا؟ لأن الحاجة تقتضي ذلك. أي les croyants auront besoin de boire, ils auront soif. Donc c'est avant le sirat. والله تعالى أعلم. بقية, est-ce que c'est avant les comptes? Après les comptes, est-ce que c'est avant le mizan? Est-ce que c'est après le mizan? بعض العلماء يقولون أنه c'est après. بعض العلماء يقولون c'est avant. Et certains savants ils citent un al-munasib, c'est que هذا الحوض soit directement après la résurrection. لماذا؟ لأن المؤمنين ils auront soif et ils boiront من هذا الحوض. فالله تعالى أعلم. قال رابعا يرد هذا الحوض المؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم المتبعون لشريعته. وأما من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة فإنه يطرد منه. نعم. هذا سامونت أن certains, عيادا بالله, ils seront repoussés. كما في الحاشية قال عليه الصلاة والسلام نفرتكم على الحوض ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني. فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكن هؤلاء أصحابي, أي ils font partie de ma communauté. Et il sera dit au prophète عليه الصلاة والسلام tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. أي هؤلاء qui font partie de ta communauté. Et العلماء ils ont démontré c'est الذين غيروا وبدلوا, c'est ceux qui n'ont pas suivi النبي صلى الله عليه وسلم, ceux qui ont inventé عيادا بالله. Et les groupes égarés. Ça nous montre l'importance de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Fafi hadha alwaqt, ça sera très très très très important. Et ça c'est min al-thamarat al-azima. Ça fait partie des fruits et bénéfiques du suivi du prophète alayhi salatu wasalam. Celui qui a patienté, qui a fait des sacrifices, qui a su l'importance du suivi du prophète alayhi salatu wasalam. Bien sûr, il aura les premiers fruits dans sa tombe. Man nabiyuk. Enfin, ce muslim, il répondra le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et كذلك à ce moment. À ce moment, quand certains seront repoussés, enfin, celui qui a suivi un nabi sallallahu alayhi wa sallam sincèrement et qui aimait un nabi sallallahu alayhi wa sallam, enfin, il ne sera pas repoussé. بل fera partie de ceux qui boiront من هذا الحوض العظيم. أما وصفه فقد جاء في بعض الأحاديث. شيخ الإسلام رحمه الله اللي ذا résumé هنا في المتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك. نعم. Et dans d'autres adillah, أبيض من اللبن ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. L'eau de هذا الحوض, son eau, elle sera aussi blanche que le lait. Elle sera aussi sucrée que le miel. Et كذلك جاء في الحديث أن آنيته, أي الآنية, c'est des récipients, أي les verres ou que les croyants y boiront, عدد نجوم السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم: لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء. أي les verres qui seront posés à côté de ce حوض pour que les croyants y boient, ils seront aussi nombreux que les étoiles. فهذا c'est une ni'ma. C'est un fadl azim min Allah azza wa jalla. هذا المؤمن, à ce moment qui aura très très soif, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera de boire. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. بقي une dernière مسألة. Et on a déjà détaillé ma yata'allaq bi al-hawd dans les étapes de l'au-delà. كذلك dans الشرح اللامية. On avait du kalam Cheikh Mohamed ibn Hizam حفظه الله تعالى. Il a détaillé certaines مسائل. Et parmi les مسائل qu'on avait citées, Anna, tu as plusieurs hadiths fil hawd par rapport à la longueur et la largeur. Beaucoup de riwayat fi tawlihi wa ardhihi. Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah, on répète son kalam, qala tawluhu shahrun wa arduhu shahr. Donc sa longueur un mois et sa largeur un mois. بعض العلماء ils ont démontré anna la'alla hadha al-hawd il est murabba', il est carré. Si les côtés sont identiques, c'est qu'il sera en forme carrée. Et dans d'autres riwayat, tu as des autres alfaz. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mathalan, qala, ma bayna Ayla wal-Juhfa. Ayla, c'est Fisham. Al-Juhfa, كذلك, c'est Miqat Ahli Sham. Al-Juhfa, à côté de l'Madina. Donc, c'est une certaine distance. Wa fi ba'dhiha ma bayna Sam'a wal-Madina. Dans certains hadiths, la longueur et la largeur, c'est comme la distance entre Sana'a et le Medina. Dans d'autres hadiths, Beina Amman, il a Aïla Fisham. Dans d'autres, Aïla il a Aden, il Yémen. Al-Mohim, tu as plusieurs hadiths avec des distances différentes. Al-Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala, qala, après avoir cité ces riwayats, wa hadha l'ikhtilaf, wa l'ittirab, la yujibu al-dha'f. Déjà, la première chose, c'est que ces différentes narrations, ça ne prouve pas que le hadith il est daif. Là. قال لأنه من اختلاف التقدير والتحديد لا من اختلاف الرواية. Pourquoi? لأن les différentes narrations, elles montrent des distances. Donc ça ne montre pas une faiblesse dans le hadith. لكن بقي une question. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité différentes distances, différentes villes pour montrer cette distance. قال لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابا. نعم. أما الاضطراب dans le hadith, et c'est une cause de ضعف, c'est une cause pour que le hadith devienne faible, c'est qu'il y a des différences au sein du même hadith. Une narration a dit telle chose, alors que c'est le même hadith. فهنا نعم, ça peut être une cause d'ittirab, de faiblesse. Amma huna la, c'est des compagnons différents, des chaînes de transmission différentes. Donc chaque compagnon radiyallahu anhu majma'in, il a entendu cette narration, cette version. قال وانما جاء في احاديث مختلفه من غير واحد من الصحابه رضي الله عنهم وقد سمعوه من مواطن معدده الى اخره. والامام النووي رحمه الله il a montré في شرح مسلم قال ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة فالأكثر ثابت في الحديث الصحيح. هذا أولا. Et la distance qui est moins courte qu'une autre, la distance la moins courte, elle rentre dans la plus longue. Il y a aucune contradiction. Maintenant, si on dit la première distance c'est 400 km et la deuxième c'est 500, enfin 400 ça rentre dans 500. Ça c'est awalan, c'est un qawl. وقال بعضهم واختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله من فتح الباري سبب الاختلاف ملاحظة سرعة السير وعدمها فقد عهد في الناس من يقطع مسافة 10 أيام في 3 أيام وعكسه وأكثر من ذلك وأقل. Vu que les gens, ils n'ont pas la même allure. Il y en a à l'époque, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur donnait une distance, c'était par rapport à la marche. Imma sur des montures, imma à pied. Distance, مثلا قولهم مسيرة شهر, la distance d'un mois et de marche. Et vu que certains, ils peuvent faire une certaine distance en un mois et d'autres beaucoup moins, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la situation, il citait une distance. هذا c'est un قول طيب. نعم. Et كذلك بعضهم ربما ils connaissaient plus cette distance entre telle et telle ville que d'autres. فعلى كل حال c'est un حوض عظيم dans tous les cas. Un حوض qui est immense. Il y en a, si tu prends la distance maintenant entre Sanaa et le Medina, il y a beaucoup de kilomètres. Sanaa c'est la capitale du Yémen et le Medina c'est au nord de Al-Mamlaka. Là chacun il y a des centaines de kilomètres, à peu près 1000 entre Sanaa et le Medina, peut-être un peu plus. À la kulli hal, si on dit par rapport à ces distances environ 1000 kilomètres de côté et de longueur et de largeur, voilà chacun nahu c'est un hawd azim. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كالفرس ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعد عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة. ثم أخبر سيتي الحوض رحمه الله عليه إلى سيتي الصراط. الصراط كما قال سي ان جسر كي منصوب على متن جهنم. C'est un pont qui est au-dessus de l'enfer. Et que les croyants y traverseront, bi-idnillahi azza wa jal, pour accéder au paradis. Et ce qu'on vient de lire, cette partie du matn, peut-être que tu trouveras dans d'autres mutun une des formulations différentes. Ay ba'd al-taqdim wa al-ta'khir. Fa'amma al-sirat, on a plusieurs preuves, fi al-Qur'an wa fi al-Sunnah. أما في القرآن فقوله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نعم العلماء بعض المفسرين اختلفوا في المراد بالورود. قوله وإن منكم إلا واردها أي chacun de vous traversera أي النار. بعض العلماء et c'est al-qawl al-sahih insha'Allah ta'ala annahu c'est al-murur ala al-sirat, c'est le fait de passer sur le sirat. Mais les croyants ils rentreront pas, ou plutôt certains croyants ils ne rentreront pas en enfer. Certains ils rentreront à cause de certains péchés, ils ressortiront comme on verra insha'Allah dans le chapitre de al-shafa'a, wa illa fa certains croyants ils rentreront pas. Lakin qawluhu thumma wa in minkum illa waridha, chacun de vous passera, traversera. Al-Murad, huna, c'est As-Sirat. Et As-Sirat, il est au-dessus de l'enfer. C'est pour ça que certains, yadam billah, ils tomberont. Ils seront pris par des crochets, ils seront jetés dans le feu, yadam billah. Amma al-adilla min as-sunnah, fa fi as-sahihayn, an Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, anna an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qala, thumma yudhrabu al-jisru ala jahannam. Al-Jisru, c'est un pont. Un pont qui sera qui sera au-dessus de l'enfer. Il sera posé au-dessus de l'enfer. Et pour accéder au paradis, il faut absolument traverser ce pont. قال وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله وما الجسر؟ Ils ont demandé au prophète عليه الصلاة والسلام c'est quoi ce جسر؟ قال دحض مزلة. الإمام النووي رحمه الله il a expliqué ce passage. قال هو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. قوله دحض مزلة c'est un endroit où tu ne peux pas être stable. Un endroit qui glisse, l'insan, il peut tomber. Hakada l'état de ce sirat. Fihi khatatif, avec des crochets. Watakun binajd, fiha suwayka, yuqalu laha sa'dan. Il leur a donné l'exemple d'une plante avec des épines qui étaient présentes à leur époque. Et ces crochets ressemblent à ces épines. Fayamurru al-mu'min katar fil ayn. Certains croyants y passeront à la vitesse d'un clin d'œil. Fata'ammal. Un clin d'œil. Tu clines de l'œil, Allahu a'lam, combien de fractions de secondes ça prend. فَبَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُوَحِدِينَ الْخُلَّصِ ceux qui faisaient beaucoup d'efforts dans leur dîn, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a agréés, ils passeront aussi vite qu'un clin d'œil. Ça nous montre l'importance des œuvres. C'est pour ça que, quand on œuvre, on doit penser à cette récompense. يَوْمَ الْقِيَامَ ou plutôt fi dunya, on vit dans cette demeure, et Robama, certaines personnes, ils donnent pas de la valeur aux personnes pieuses. Ben, pardon, ils les dénigrent, ils les accusent, ils se moquent. Là, qu'ils n'oublient pas, le jour des comptes, il y aura une différence énorme, comme on l'a vu précédemment. Et كذلك, devant le Haud, il y aura une différence énorme. Certains, ils seront repoussés. Et ce jour-là, ce qui distinguera les bons, des mauvais, les croyants des koufars, les gens pieux, des gens pervers, ça sera l'iman ou l'amal al-salih. Pas comme fihadid dunya. Fihadid dunya, tu peux avoir l'iman, tu peux avoir du ilm, etc. Et tu es rejeté par certains. Zulman wa udwana, injustement. Amma yawm al-qiyamah, al-mizan zel l'iman ou l'amal al-salih. Wal-asri inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu al-salihat. C'est l'iman ou l'amal al-salih qui fera la différence et qui sauvera l'insan. فَبَعْضُهُمْ comme un clin d'œil. قَالَ وَكَالْبَرْقِ d'autres comme l'éclair. كذلك, l'éclair est dans le ciel. C'est très très rapide. وَبَعْضُهُمْ كَالْرِيحِ certains comme le vent. وَبَعْضُهُمْ كَالْطَيْرِ comme un oiseau. وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالْرِكَابِ certains ils ont à l'allure d'un cheval qui court rapidement. قال فناج مسلم. Certains y seront sauvés. Et ils traverseront Sirat. ومخدوش مرسل. Et d'autres y seront pris par ses crochets, عياذ بالله, et ils seront jetés dans le feu. ومكدوس في نار جهنم. أما مخدوش مرسل. Certains y seront attrapés par ses crochets, لكن ils seront relâchés. لكن ça leur fera la chaque du mal. D'autres ils seront pris par ses crochets et jetés au feu. Al-Hadith, قلنا il est fait à Sahihain, il se lève, c'est celui de Muslim. Amma ard hada sirat, l'aspect de ce sirat, comment il est. فجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. لا شك أن مثل هذا له حكم الرفع. لماذا؟ لأن أبا سعيد رضي الله عنه لا يقول هذا من رأيه. Tu peux pas dire هذا d'un اجتهاد ou penser. Ça fait partie de l'invisible. Parce qu'il l'a dit, radiyallahu anhu, c'est forcément qu'il y avait un texte. Il l'a entendu. عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر. قال بلغني أي وما أنفرمي أن الجسر أدق من الشعر أن هذا الجسر ce pont il est aussi fin qu'un cheveu. فتأمل. Et si tu reviens قوله عليه الصلاة والسلام ضحظ مزل أي ça sera un endroit très glissant. Ceux qui pourront traverser sans tomber, ça sera ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé, il a guidé, il a aidé. وإلا جسر أن تتأمل أحيانا في الدنيا si on te dit de passer dans un pont très très fin ou encore plus fin sur une corde فلا شك أن ستخاف. Tu auras peur de chuter. أما هنا أولا le pont il sera très très fin, l'épaisseur d'un cheveu, et كذلك en dessous c'est le feu. C'est pour ça que الناس et diront Allahumma sallim sallim. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dira Allahumma ummati ummati. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il fera dua pour sa umma. Ça sera une situation très très difficile. C'est pour ça que tu dois essayer akhil karim tatasawwar hadha al mawqif. On connaîtra pas le kayfiyya lianna ça fait partie de l'invisible, lakin on a des indices, on a des informations. تصور هذا الجسر العظيم qui est très très fin à l'épaisseur d'un cheveu avec le feu en dessous Allahu a'lam la longueur. تصور et تصور أن l'allure c'est par rapport à tes œuvres. Donc celui qui veut se préparer ce pont, il n'y a pas besoin de payer avec de l'argent comme fi dunya. Tu dois payer pour traverser. Ou c'est par rapport au physique. Ou l'insan il aura une monture. لا ولا شيء من هذا. C'est par rapport aux œuvres. C'est par rapport à l'amal. Donc celui qui veut réussir, qu'il prépare hada. On sera tous confrontés à ce passage. Bi'idnillahi azza wa jalla. Yanna al-kuffar, ils passeront pas par as-sura. Al-kuffar, ils seront directement jetés finnar, comme on a expliqué dans notre kalima wa lillahi alhamd sur as-sirat. Aïe, dans les cours sur les étapes de l'au-delà. Yanna al-kuffar, ils seront jetés directement finnar. Amma les croyants, à ce moment-là, quand les comptes ils seront finis, on a fini toutes les étapes. Aïe, la balance avec les comptes, avec les registres. Certains ils prendront de la main droite, d'autres la main gauche. Qabla dhalika wa ba'da dhalika al-hawd, le bassin. Sayati ma'ana kadhalika ma yata'alaq bish-shafa'a. Et après les comptes, les kuffars ils seront jetés au feu. Donc, il restera les croyants. Les croyants, ils iront en direction du paradis. Certains, ben, tous les croyants, ils commenceront à traverser le sirat. Certains, ils traverseront. D'autres, ils n'arriveront pas à traverser. Hatta ja'a fi al-hadith, anna certains, à la fin, ils seront yahboun. Yahboun, à quatre pattes. Et ils auront beaucoup de difficultés à le traverser. Et ils réussiront. Et certains, nas'alullah al-afiyah, ils tomberont finnar. Lakin ceux qui tomberont finnar, vu que c'est des croyants, ça sera pour une durée déterminée. Lakin même une durée déterminée, on doit tout faire. On doit demander à Allah azzawajal as-salam. Fi dunya al-an, si wahid il se fait emprisonner, en prison, faqat, sans feu, sans châtiment, c'est très très difficile. On te prive de ta liberté. Tu peux pas sortir quand tu veux, c'est très difficile. La واحد حكم عليه 10 ans, 20 ans, 30 ans, ben, il n'y a aucun doute que c'est difficile. Amma baluk fi an-nar. Et Allahu a'lam combien ça peut durer. C'est pas éternel, lakin Allahu a'lam. Est-ce que ça va durer 10 ans, 100 ans, 1000 ans? Al-insan yattaqi Allah. Et on doit faire des efforts. Et on répète, celui qui veut les détails, al-ulama, ils ont détaillé, khassatan al-imam al-Qurtubi dans son livre qu'on a cité auparavant, At-Tadhkira. Et on a essayé de résumer dans les étapes de l'au-delà toutes ces étapes. ثم قال رحمه الله أي الإمام ابن تيمية فإذا عبروا العبور c'est le fait de traverser عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا après la traversée du Sirat, il y a un dernier pont. Qantara. Al-Qantara, c'est un pont. Un dernier pont pour accéder au paradis. Et Cheikh Al-Islam, rahimahullah, il a montré avant de rentrer fil Jannah. Al-Qantara, elle est entre Al-Jannah ou Al-Nar. Elle est entre l'enfer et le paradis. Et avant d'accéder au paradis, là, il faut de traverser ce pont. فيقتص لبعضهم من بعض. أي c'est la dernière étape. Elle a tous les problèmes qui restent entre certains croyants. لابد هنا من هذا العمل فيقتص لبعضهم من بعض القصاص celui qui devait à un musulman encore une chose il lui rend celui qui a subi une injustice l'injustice elle sera réparée et celui qui a parlé injustement il a akhir مهم tout doit se régler à cette étape avant de rentrer فلهذا قال فإذا هذبوا ونقوا quand ils seront propres plus personne ne doit rien à personne il leur sera autorisé de rentrer. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا القصص غير القصص الأول الذي في عرصات القيامة لأن هذا قصص أخص لأجل أن يذهب الغل والحقد والبغضاء التي في قلوب الناس نعم لأنه يا ديجا القصص avant cette étape أي les comptes. Les comptes, ça sera les comptes بين الله أو بين العبد وبين ربه عز وجل et كذلك بين العباد. Lakin, peut-être que après les comptes qu'il y a eu avant la traversée du pont, peut-être que dans les cœurs, il restera certaines choses. Un tel, il en veut encore à son frère. Telle personne, elle en veut encore à telle personne à cause de certaines injustices. Il restera encore des choses dans le cœur. Enfin, avant de rentrer, là-bas, un autre qisas pour nettoyer les cœurs. Hatta plus personne n'en veut à personne. قال فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص صحيح لأن tu peux rendre le haq à quelqu'un lakin ton cœur tu lui en veux toujours ou quelqu'un peut te rembourser une chose et tu lui en veux toujours pour l'injustice que tu as subie donc il y a deux phases la première c'est les comptes et la deuxième C'est cette étape avant de rentrer fil Jannah aïe pour purifier les cœurs. Wallahu a'lam. قال فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار لأجل تنقية ما في القلوب حتى يدخل الجنة وليس في قلوبهم غل كما قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. الغل c'est الحقد aïe la rancœur, la haine, toutes ces maladies du cœur avant de rentrer fil Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, il purifiera le cœur de tous les croyants. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ أي مَا فِي قُلُوبِهِمْ Toute la rancœur qu'il y a dans leur cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'enlèvera, il purifiera leur cœur. قَالَ عَزَّ وَجَلْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ Donc, quand ils rentreront fil Jannah, ça sera, les croyants, ils seront tous des frères. Plus personne en voudra à son frère. Il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de rancœur, il n'y aura plus de haine. Il n'y aura plus de mauvaises intentions. C'est la demeure de la récompense et ces choses, ça contredit la récompense. Et les délices et le bien-être. Et kadhalik, dans les étapes de l'au-delà, on avait détaillé Mayat al-Arab, etc. Thumma qala rahimahullah, wa awwal man yastaftih, wa awwal man yastaftihu bab al-Jannah Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Wa awwal man yadkhulu al-Jannah أمته صلى الله عليه وسلم ثم إلى cité cette dernière مسألة أن le premier qui rentrera في الجنة à qui on ouvrira la porte ça sera notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم et la première communauté qui rentrera في الجنة ça sera la communauté du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ودليله أي أن أول من يستفتح باب الجنة سنت بخوفه محمد عليه الصلاة والسلام قال ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة وفي لفظ أنا أول من يقرع باب الجنة وفي لفظ آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد من قبلك. Tous ces hadiths ils sont dans Sahih Muslim ils sont authentiques. Donc le premier qui يقرأ باب الجنة qui frappera à la porte ça sera le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أن الخازن أي l'ange qui est chargé de surveiller al-Jannah il demandera c'est qui quand il entendra quelqu'un frappé. Enfin, le prophète Mohammed, il dira, Mohammed, cet ange dira, Bika umirtu la aftahu li ahadin min qabli. Et on m'a ordonné de n'ouvrir à personne avant toi. لماذا لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام سأفضل البشر كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر c'est le meilleur des êtres humains et ça sera le premier être humain qui rentrera في الجنة et personne ne rentrera avant lui عليه الصلاة والسلام وقوله وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته et la première communauté qui rentrera Ça sera la communauté du prophète, alayhi salatu salam. Donc le premier qui rentrera, c'est notre prophète. Et tous les autres prophètes, alayhi salatu salam, jami'an. Thumma, après les prophètes, la première communauté, ça sera la communauté de notre prophète Muhammad, alayhi salatu salam. Qala, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, hadha haqqun thabit. Daliluhu ma thabata fi sahih muslim an Abi Hurayra. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم il a informé que cette communauté c'est la dernière dans le temps chronologiquement c'est la dernière des communautés et il a informé عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ça sera la première communauté et ça sera la première communauté qui rentrera في الجنة وقال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة فهذا ما يتعلق بهذه المراحل العظيمة ces étapes de l'au-delà شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il les a résumé في الواسطية بكلام مختصر مفيد basé sur des أدلة des أحاديث صحيحة des versets du Coran الكريم فالحمد لله ثم قال رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة ثلاث شفاعات. Après avoir cité les étapes de l'au-delà, il a cité plutôt une autre mas'ala qui est liée avec le jour dernier, c'est l'intercession. فقال رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة ثلاث شفاعات. أي le prophète عليه الصلاة والسلام il intercédera trois fois le jour du jugement. قال أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه. هذه الشفاعة العظمى. C'est pour جميع أهل الموقف. Tout le monde en profitera, les croyants et les kuffars. Et هذه الشفاعة, ça sera au début, quand tout le monde attendra les comptes. Ça sera avant al-mizan, avant la balance, avant le haoud, avant les comptes. Amma al-haoud yundar, lakin ala kulli hal, avant les comptes. Et les gens, ils décideront d'aller voir les prophètes. Adam, thumma Nuh, thumma Ibrahim, thumma Moussa, thumma Isa. Alayhim as-salatu as-salam jami'an. Et ils leur demanderont cette shafa'a. Et d'intercéder auprès d'Allah et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que les comptes y commencent. لماذا لأن l'attente elle sera longue. تقدم معنا أن le soleil sera très très proche et les gens ils seront assoiffés pour certains et ça sera très très difficile. Enfin, ils demanderont que les comptes y commencent. Enfin, chaque prophète y refusera jusqu'à ce qu'il demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il intercédera auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ça c'est la première. Wa amma ash-shafa'atu ath-thaniya fayashfa' fi ahli al-janna an yadkhulu al-janna. C'est ce qu'on a vu auparavant. On a le premier qui frappera à la porte et qui demandera l'autorisation de rentrer, ça sera le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam, thumma après lui les gens y rentreront. Ces deux شفاعه قال شيخ الاسلام وهاتان الشفاعتان خاصتان له ces deux intercessions elles sont spécifiques au prophète Mohammed alayhi salatu wasalam personne ne peut les faire sauf le rasoul alayhi salatu wasalam باذن الله عز وجل قال واما الشفاعه الثالثه فيشفع في من يستحق النار وهذه الشفاعه له ولسائر الانبياء ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. La troisième شفاعة, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il intercédera pour certains croyants qui mériteront de rentrer en enfer à cause de leurs péchés. Il intercédera pour pas qu'ils ne rentrent fi an-nar et ils rentreront pas en enfer. Hadhihi, elle n'est pas que pour le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Elle est pour tous les prophètes, tous les messagers et as-siddiqoun, les véridiques, wa ghayrihim, et autres parmi les croyants. قال فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. نعم. Donc, هذه الشفاعة, c'est pour que certains ne rentrent pas en enfer. Et كذلك une شفاعة pour ceux qui sont rentrés في من دخلها أن يخرج. Pour ceux qui sont rentrés en enfer à cause de leur péché, avec cette intercession du prophète et d'autres, عليه الصلاة والسلام, ils sortiront de l'enfer بإذن الله عز وجل. Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, fi at-ta'liqat, dans les annotations qu'il a citées, il a cité plusieurs shafa'at. Wa hakadha al-allama Cheikh Salih al-Fawzan, dans son charh, il a résumé avec un kalam mufid, bab al-shafa'a. Faqala rahimahullah, naqra min kalam Cheikh al-Fawzan, ay ma yata'alaq bil-shafa'at. لأن شيخ الإسلام il a cité trois shafa'at, deux qui sont réservées qu'au prophète عليه الصلاة والسلام et une qui est pour le prophète عليه الصلاة والسلام et pour d'autres. لكن si on vient à détailler, il y a plus que trois shafa'at. Cheikh Fawzan Hafidhahullah, il en a cité huit. فقال الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى. C'est celle que Cheikh al-Islam il a cité rahmatullah alayhi. C'est pour jami' ahl al-mawqif, pour que les comptes y commencent. Wa hadhihi c'est al-maqam al-mahmoud, que Allah subhanahu wa ta'ala il a réservé au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Irfa' ra'sak washfa' tushaffa' wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Al-thaniya, la deuxième, shafa'atuhu fi dukhul ahli al-jannah. وهذه كذلك شيخ الإسلام il l'a cité. Elle est réservée qu'au prophète عليه الصلاة والسلام. Le fait de que ce soit le premier qui rentre fil Jannah, ثم tout le monde rentre après lui. الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. هذه خاصة به. On peut ajouter celle-là qui est spécifique au prophète عليه الصلاة والسلام. أي شفاعته في عمه أبي طالب. Son oncle Abu Talib. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fera shafa'a pour lui pour que son châtiment il soit allégé. Qala li'anna Allah akhbara anna al-kafirin la tanfa'uhum shafa'at al-shafi'in wa nabiyuna akhbara anna shafa'atahu li ahli at-tawhid khassa. Fa shafa'atuhu li'ammihi Abi Talib khassatun bihi wa khassatun li Abi Talib. Cette shafa'a que pour le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il y a que lui qui la fera et celui qui en profitera ça sera que Abu Talib. لماذا لأن tous les efforts qu'il a fait pour protéger le prophète عليه الصلاة والسلام فالله عز وجل il autorisera الرسول عليه الصلاة والسلام de faire هذه الشفاعة أي pour que son châtiment il soit allégé. Ne pas comprendre que Abu Talib il sortira من النار, il sortira jamais. لماذا لأنه il est mort على الكفر, il est mort en tant que mécréant. لكن الله سبحانه وتعالى lui allégera son châtiment. الشفاعة الرابعة شفاعته في من استحق النار من عصاة الموحدين لا يدخلها. هذه ذكرها شيخ الإسلام كذلك. أي certains qui méritent de rentrer في النار النبي صلى الله عليه وسلم et autres. لأن les trois premières elles sont spécifiques, elles sont réservées qu'au prophète عليه الصلاة والسلام. Et à partir de la quatrième jusqu'à la huitième, c'est pas que pour notre prophète, c'est pour les anges kadalik, les autres prophètes, les croyants, etc. Al-khamisa shafa'atuhu sallallahu alayhi wa sallam fi man dakhala an-nar min 'usat al-muwahhidin an yakhruja minha. Hadi kadalik Cheikh al-Islam il a cité les deux en un point, la seule même shafa'a. Le fait de rentrer et de ne pas rentrer fi an-nar ou de sortir min an-nar pour ceux qui ont fait des péchés. الشفاعة السادسة شفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة. أي une شفاعه pour élever ce muslim في الجنة. Il sera un certain degré au paradis Et avec l'intercession, il montera un degré. Maintenant, l'enfant pour ses parents. قال الشفاعة السابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة وهم أهل الأعراف على قول أهل الأعراف ça sera des croyants لكن leurs péchés leurs bonnes actions ces actions ne sont pas plus que ces mauvaises pour rentrer au paradis et ces mauvaises actions ne sont pas plus pour qu'ils méritent de rentrer en enfer donc هؤلاء c'est أهل الأعراف ils sont entre le Jannah ou le Nar et rentreront vil janna parce que c'est des croyants avec al-shafa'a et كذلك parce que c'est des croyants فهذا على قول كما قال الشيخ الفوزان الشفاعه الثامنه la dernière شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنه بلا حساب ولا عدد كشفاعته صلى الله عليه وسلم في عكاشه بن محصن رضي الله عنه وحيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون من السبعين الف من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد. Et كذلك des croyants qui rentreront au paradis sans châtiment et sans compte. هذه c'est différentes catégories de شفاعة et أهل السنة يؤمنون بهذه الشفاعات كلها. ثم نبه رحمه الله تعالى bien sûr أن هذه الشفاعة لا تتحقق إلا بشرطين. Il faut absolument deux conditions. La première, الإذن للشافع أن يشفع كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه celui qui fera الشفاعة يوم القيامة il ne fera الشفاعة que si Allah سبحانه وتعالى il donne la permission من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه personne ne peut intercéder sauf si Allah lui donne la permission et قول النبي صلى الله عليه وسلم dans le hadith أن الله عز وجل يجيغ ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فسي سارة permission أي النبي الله سبحانه وتعالى يجيغ au prophète صلى الله عليه وسلم انتخسد ثم النبي صلى الله عليه وسلم يفغى الشفاعة la deuxième condition رضى الله عن المشفوع له قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى Et celui qui fait l'intercession, bien sûr, ça doit être un croyant. Et celui qui la reçoit, ça doit être un croyant. Allah subhanahu wa ta'ala la yarda li'ibadihi al-kufr. Allah subhanahu wa ta'ala yarda al-tawhid wa yuhib al-tawhid wa yuhib al-muwahidin. Ça nous montre que les al-kuffars ne profiteront en rien de shafa'a. Il n'y a qu'un kafir qui profitera d'une partie de shafa'a, c'est Abu Talib. Et ça ne le fera pas sortir de l'enfer. C'est que pour alléger son châtiment. Fahada. Ça nous montre l'importance de demander هذه الشفاعة لله عز وجل. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre, ils intercèdent pour nous يوم القيامة. On n'a pas le droit de la demander à autre qu'Allah عز وجل. كما يفعل المشركون الضلال. On n'a pas le droit de demander à autre qu'Allah. La شفاعة تسأل من الله. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala وحده. أما المنحرفون في هذا الباب ceux qui se sont égarés. Cheikh al-Fawzan, hamidahullah ta'ala, il a cité al-Mu'tazila ou al-Khawarij. Ils ont rejeté هذه الشفاعه. لماذا? On ne parle pas de al-Shafa'a al-Uzma. Amma al-Maqam al-Mahmoud, al-Shafa'a al-Uzma, est la première que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam y fera à tout le monde. هذه, tout le monde l'a accepté. Même al-Khawarij, même al-Mu'tazila. Amma al-Shafa'a qui concerne ceux qui ont fait des péchés, imma pour ne pas rentrer en enfer, imma pour sortir de l'enfer. فالخوارج والمعتزلة ينكرونها. Pourquoi? لأنهم ils ont une عقيدة أن من مات. وهذا تقدم معنا quand on a cité الوسطية de أهل السنة بين الفرق. Et في الإيمان on a cité أن أهل السنة c'est le juste milieu entre المرجئة والخوارج المعتزلة. فالخوارج والمعتزلة يكفرون بالكبائر. فpour eux ils ont la conviction أن celui qui meurt et il n'a pas fait tawba, il est mort avec en avoir fait des grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera pas. C'est pour ça que ankaru shafa'a pour eux c'est pas possible. Et celui qui meurt et il a fait des grands péchés, c'est un kafir. On dit même pas c'est comme pour eux c'est un kafir. Il y a aucune différence entre lui et un juif, un chrétien, yadam billah. Hada c'est très très grave. Comme une hadith Combien de hadith fi shafa'a? Le Cheikh Mouqbil rahimahoullah ta'ala, il a un célèbre livre al-shafa'a. Et il a cité toutes les preuves du Coran et de la Sunna, ou la plupart des preuves sur l'intercession. Haoula kullu hadhihi al-hadith yunkirunaha. Na'am. Et tu trouves كذلك un autre extrême, ghalou fi ithbatiha. Comme al-mushrikoun. Ils demandent cette shafa'a autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils font du shirk, ils invoquent autre qu'Allah, ils adorent autre qu'Allah. Bi kulli wudhuh, et ils disent que hada c'est min bab al-shafa'a. Na'am. والله المستعان. ثم قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ويخرج الله من النار قواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. كذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله لا démontré أن بعض الناس يسخطرون من النار sans شفاعة. الله سبحانه وتعالى leur pardonnera et ils sortiront. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى ويخرج الله من النار قواما بغير شفاعة. قال يعني أن الله تعالى يخرج من عصاة المؤمنين من شاء بغير شفاعة وهذا من نعمته فإن رحمته سبقت غضبه. ثم إلى سيت الدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى يدير أن les anges ils ont fait الشفاعة, ils ont intercédé. Les prophètes, ils ont intercédé. Les croyants, ils ont intercédé. وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ. Et il reste أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَقْبِذُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il fera sortir هؤلاء من النار. قال فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَدْ عَادُوا حَمَمًا. Ils sont devenus comme des braises. عَيَّدًا بِاللَّهِ. هؤلاء, c'est des mu'minoun, c'est des croyants. لكن ils ont eu beaucoup de manquements et Allah subhanahu wa ta'ala il les fera sortir min an-nar. Ça nous montre fadl at-tawhid. Celui qui meurt ala al-iman, celui qui meurt ala at-tawhid, en haqiqa c'est une ni'ma qu'on ne peut pas s'en rendre compte totalement. Celui qui meurt ala at-tawhid, il a tout gagné, même s'il était muqassir, même s'il a eu des faiblesses. Et on fait des efforts pour s'écarter des péchés, bien sûr. Lakin on fait encore plus d'efforts pour appliquer hada tawhid. C'est ce tawhid qui va te permettre de t'écarter de tes péchés. C'est ce tawhid, bi'idhnillahi azza wa jal, qui est la cause principale pour rentrer fil jannah. Ba'd rahmatillahi azza wa jal. Fahaula, alladhina lam ya'malu khayran qat, la shak annahum, c'est des croyants. La shak annahum, ils avaient hada l'amal al-azim, al-iman. Lakin ils avaient des grandes faiblesses, des immenses faiblesses. Mais à hada, Allah subhanahu wa ta'ala, il les fera sortir min al-nar. Oula, ils sont devenus comme des braises. Allahu a'lam combien de temps ils sont restés. Thumma, ils rentreront fil jannah. Thumma qala al-imam Nutaymiyyah rahimahullahu ta'ala ba'da dhalik wa asnafun ma tadammanathu aw qabla dhalik une autre mas'ala. Na'am. Qawluhu fayunshi'ullahu laha aqwaman fayudkhiluhumul jannah. Hada taqaddam ma'ana. Taqaddam ma'ana في هل من مزيد. نعم انا بسيتي cette مساله ان الله سبحانه وتعالى يكريرا اقوام كي رانتريرون في الجنه اي كريرا دي بيرسون. لماذا؟ لان يغستورا دو لا بلاص في الجنه اي الله سبحانه وتعالى يرامبليرا الجنه avec un peuple qu'il créera سبحانه وتعالى. هذا تقدم. قال واصناف ما تضمنه الدار الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة. إذا نطق نسخة مذكور في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم الموروث عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يكفي ويشفي فمن ابتغاه وجده. نعم، ثم شيخ الإسلام رحمه الله إلى السيتي أن celui qui veut les détails, فلا شك أن في القرآن وفي السنة il y a beaucoup de preuves والعلماء ils ont expliqué ces étapes en détail. Enfin, on doit faire des efforts pour les étudier. On doit faire des efforts pour les comprendre. On doit faire des efforts pour mettre en application. Vous avez remarqué que la chose qui sauvera le mu'min, bi'idhnillahi azza wa jal, c'est atta'a, c'est l'obéissance. Et l'obéissance la plus importante, c'est at-tawhid. Et ce qui fera beaucoup de mal à l'être humain, c'est al-ma'siya, c'est les péchés. Et le péché le plus grave, c'est al-shirk. Man mata ala al-shirk, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit à quiconque de lui faire al-shafa'a. Personne ne pourra faire shafa'a. Celui qui meurt à la shirk, il restera en enfer éternellement. Celui qui meurt à la shirk, il aura tout perdu. Allez, Adam, on doit faire des efforts sur ces deux points principalement. Apprendre notre croyance, apprendre l'iman, apprendre tawhid, mettre en application, adorer Allah seul et suivre le prophète Mohammed alayhi salatu salam. Et faire attention à la désobéissance, faire attention au shirk, faire attention aux innovations, faire attention aux imams de l'égarement. Enfin, ce jour-là, chacun d'entre nous, il sera seul. Ce jour-là, il n'y a que l'iman ou l'amal salih qui seront utiles pour l'être humain. Ce jour-là, l'être humain, il se sauvera, il fuira même de ses propres parents, de ses enfants, de sa compagne, etc. Hada al-mawdou, on doit lui donner beaucoup d'importance. Al-akhira, c'est l'étape que chaque être humain, il sera obligé de passer par là. Chaque être humain. La mort, la tombe, etc. Comme on a détaillé kathiran. Et on répète une dernière fois, on a détaillé ces étapes dans une série de cours avec les preuves du Coran, de la sunna. Et on a essayé de simplifier les paroles des imams de la sunna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et on passe à notre deuxième dars. Et à partir de demain, inshallah, on lira le charh de Cheikh Saadi. Il y en a, on a lu que le matn et le charh, il a résumé, il a pas détaillé toutes ces étapes. Thumma, on passera à un autre point très très important sur le destin. Et là, aujourd'hui, là, il y a eu apparemment beaucoup de coupures sur Mixer. Fallah Musta'an.